Section 91 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e, section 91, La Seconde Mère par Henri Gréville, chapitre 20. Dans cet asile aimable et sérieux, où tout parlait d'une vie bien employée, Evelyne sentit tout à coup son cœur se desserrer. Sur la cheminée, sur les murs, partout, des photographies de son frère et d'elle-même à tous les âges. Un beau portrait de son père qui l'attira dès son entrée. Des livres, des ouvrages de femmes. Un grand registre, fermé sur le bureau, affirmait l'ordre de la ménagère. C'était une de ces chambres reposantes où l'on sent qu'on aimerait à vivre et à mourir. La mort, dans ce grand lit, au milieu de tous ces témoins d'une vie d'honneur et de travail, ne pouvait être que paisible et vénérable. Émue, Evelyne, après avoir tout embrassé d'un coup d'œil, tourna son regard vers Odile et lut dans ses yeux une tendresse grave et profonde. « On t'a fait de la peine ?» dit la voix pleine et douce. « Et tu es venu chercher ton père ? Il sera ici ce soir. » Mais si, à présent, je puis te consoler, ma chère fille. Ah ! S'écria Evelyne vaincue, j'étenant ses bras autour du cou d'Odile. Edme avait bien raison de dire que vous étiez bonne. Assises tout près l'une de l'autre, sur un de ces petits canapés qui semblent avoir été faits pour échanger des confidences, elles causèrent longuement. Evelyne raconta ses griefs. Et Odile, sans approuver la forme de sa résistance, l'assura qu'elle n'avait fait qu'user de son droit en repoussant un mariage déplaisant. Mais sa rapide perception de femme l'avertit que la vivacité de cette répugnance n'était pas tout à fait naturelle, et voyant que la jeune fille n'ajoutait rien, « Tu ne me dis pas tout, » fit-elle. « Comment se nomme-t-il ? Et qui est-il ? Celui qui t'a fait trouver l'autre si odieux ? » Le sourire était si tendre, si encourageant, qu'Evelyne n'y put résister. « Vous devinez donc tout ? » dit-elle. « Celui que j'aime est pauvre, instruit et bon. Je ne sais pas seulement s'il m'aime. » Son petit cœur se serra à l'idée qu'elle pouvait n'être pas aimée. Elle sentait un immense besoin de gâterie, d'affection. La frayeur qu'elle avait du mécontentement de son père la rendait encore plus craintive et plus douce. Elle jeta sur Odile un regard furtif d'enfant pris en faute, et avec une incroyable câlinerie d'intonation, elle lui donna son cœur pour ne plus le reprendre. « Maman, dit-elle, dites à papa qu'il soit indulgent pour moi. J'ai bien, bien besoin qu'on m'aime. » Et elle fondit en larmes, cette fois délicieuse, car de vrais baisers de mère vinrent les essuyer, et elle comprit la douceur des caresses ignorées jusque-là. Sa grand-mère, tout en l'aimant très sincèrement, ne la lui avait jamais fait connaître. Edme entra bientôt avec Madame Brice, qui avait appris de sa bouche les événements de la matinée. Sans faire d'allusion au jeune secret d'Evelyne, on se mit à conférer sur la conduite à tenir. La grand-mère était fort partagée dans ses sentiments. La malicieuse rancune qu'elle portait à Madame de la Rouveraie l'engageait à se réjouir de sa déconvenue, pendant que l'autorité de l'aïeul blâmait fortement une conduite si peu convenable. Aussi fut-elle très réservée à l'égard de sa petite fille, la regardant peu, de peur de ne pouvoir s'empêcher de rire, pendant que celle-ci racontait la scène finale de cette comédie, mais prenant un visage sévère lorsqu'Evelyne se tournait de son côté. Enfin, dit-elle, lorsque, tout étant élucidé, on lui demanda son avis, « ce que je vois de plus clair là-dedans, c'est qu'Evelyne doit retourner le plus vite possible à la Rouveraie et faire des excuses complètes. »« Oh, grand-mère, pas jusqu'à épouser. »« Pas jusqu'à épouser, assurément, mais à cela près, complète, » insista la douairière, et maintenant, à grande peine, son sérieux. « Et comme tu ne peux pas retourner seule, c'est moi qui te ramènerai. » Odile regarda sa belle-mère avec quelque surprise. Cette proposition étant en complet désaccord avec ce qu'elle connaissait de ce caractère altier. Une lueur de malice saisie au passage et dans les yeux vifs de Madame Brice lui révéla le mystère. « Seulement, dit Odile, avec un sourire dont elle ne put se défendre, ne prenez pas Jaffé pour cocher. La grand-mère lui répondit par un regard si brillant, si plein de spirituelle raillerie, qu'Odile en fut tout remué. Quelle jeunesse d'esprit et de cœur vivait encore sous ses cheveux blancs, dans cette âme passionnée. Elle était plus jeune que son fils, fatiguée, usée par les luttes intestines et découragée dans son amour de père. La pensée qu'Yveline allait être enfin rendue au sien raviva la joie dans le cœur d'Odile. Mais que de prudence si l'on ne voulait pas tout perdre d'un seul coup. Et si le jeune homme qui avait su plaire à cet enfant n'était pas digne de son choix, que de soucis, que de larmes. Leur devoir de parents n'allait-il pas encore se trouver en conflit avec la tendresse filiale? Et s'il détachait d'eux la jeune âme reconquise, n'était-il pas à craindre que ce fût pour jamais? « Ma fille, » dit Madame Brice, interrompant le cours de ses pensées douloureuses, « je vous laisse le soin de parler à mon fils de tout cela. C'est vous qui incarnez la diplomatie dans notre famille. Moi, je gâterai tout. » Les deux enfants étaient sortis. Elle ajouta avec finesse, « Pour ma part, j'aurai Madame de la Rouvray. » Le landau, conduit par un cocher fort noble, emmena bientôt la grand-mère et les deux enfants. Yveline s'était recoiffée. Odile lui avait donné une paire de gants et elle avait un extérieur presque tout à fait correct. Edme avait brossé sa tenue de chasse et, sauf qu'il était extrêmement sérieux, étant fort ennuyé de son personnage, on ne se fût jamais douté de leur escapade. Sous les pieds du cocher était le chien avec le fusil, étonné de voir tant de pays en un seul jour. On garda le silence pendant quelque temps dans le landau. Puis, Madame Brice, ne pouvant tenir, s'adressa à sa petite fille. « Qu'est-ce qu'elle a répondu, ta grand-mère, quand tu lui as dit que tu allais au Pignon ?»« Rien du tout, grand-mère, » fit Yveline plus mortifiée que jamais. Un sourire malicieux voltigea sur les lèvres de Madame Brice, mais elle le fit disparaître sur le champ. « Tu sais, dit-elle, c'est extrêmement mal ce que tu as fait là. As-tu préparé tes excuses ?» Yveline n'avait rien préparé du tout. Madame Brice, lui expliquant ses torts par le menu, lui fit une éloquente homélie qui fut écoutée avec toute la componction désirable, pendant que le landau, conduit pompeusement par deux gros chevaux au trot régulier, oscillait doucement sur ses ressorts patentés. Ce retour ne ressemblait en rien à la fuite du matin, et Yveline ne put s'empêcher de trouver que, dans toute sa correction mondaine, il était beaucoup moins amusant. « Et toi, Edme, que vas-tu dire ?» fit Madame Brice au moment où ils arrivaient. Elle ne l'eût avoué pour rien au monde, mais elle s'amusait prodigieusement en dedans d'elle-même. « J'y dirai la vérité, grand-mère, qu'ayant rencontré ma sœur sur la route, j'ai trouvé nécessaire de l'escorter, afin de sauver au moins les apparences. J'espère que grand-maman de la Rouvray comprendra cela. » « Oh !» murmura Madame Brice entre ses dents, « du moment où tu évoques les apparences, tu es pardonnée. » L'accueil de Madame de la Rouvray fut très froid, quoiqu'elle triompha intérieurement de voir Madame Brice faire une démarche qui ressemblait beaucoup à des excuses, elle avait été réellement blessée et n'était pas femme à l'oublier. Yveline, peu encouragée, exprima ses regrets dans une courte phrase où transparaissaient quelques maussaderies. Malgré cela, sa grand-maman lui dit tranquillement « C'est bien, je vous pardonne. » Edme fut reçu à peu près de la même façon et les enfants furent congédiés pour laisser aux deux dames la facilité de s'expliquer ensemble. Que se dirent-elles en cette mémorable entrevue? Le secret en fut bien gardé car ni l'une ni l'autre n'en parlèrent jamais. Il est probable que Madame Brice évoqua le souvenir de la première femme de Richard, épousée sans amour, par raison de famille, de convenance, de tout enfin, sauf le libre choix des époux, qui seul est la base des unions heureuses. Dans son triomphe, peut-être fut-elle quelque peu sarcastique, car Madame de la Rouvray, au sortir de cet entretien, avait le teint enflammé, comme une personne qui s'est fort animée. Quoi qu'il en soit, les deux grand-mères se séparèrent de la façon la plus aimable, si ce n'est la plus cordiale. Fin de la section 91, Luparagnès, Obi, 2025.